Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Après le vernissage de Marie Diallo, Nuisance, l'émission qui met au sens l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM. Vous venez de quitter le territoire de la raison pour passer dans celui de la déraison. La déraison, c'est le mix aléatoire, incantatoire, de bêtises avec stupidité. S'effacer en bruit. Thank you. d'accord avec vous, les gars, je veux dire. Thank you. vrai que l'écran, c'est bien. Ça peut mener à ça. Non, on va l'être. Ah, ok. On va faire un problème. Salut les gars. Ciao. Salut. À bientôt. T'as pas d'argent, hein? Sur quoi? T'as pas d'argent sur quoi? T'as pas d'argent sur quoi? T'as pas d'argent sur quoi? T'as pas d'argent sur quoi? T'as pas d'argent sur quoi? Non, c'est ça qui me vient. Ne règne pas en maître, mais bien en maîtresse, car la non-sens, la non-sensibilité ou la non-sensivité, qu'importe ce que nous disons, pourvu que le saignant ne beuve pas sur la poitraille de limaces dorées au four. Bienvenue. Nous sommes tous les malvenus sur Nuisance, car Nuisance est une émission qui est malvenue elle-même, et donc par empathie, nous allons compassionner avec Nuisance, car la pitié, c'est la souffrance. Alors compatissez bien, car oui, pâtir, c'est notre but dans la vie, comme ailleurs, pâtir, c'est notre jugement, qu'il n'est pas assis sur le coin de la chaise, entre deux regards, je m'émancipe d'un incantatoire débilitant, suprême et suprématiste, blanc comme la peau blanche d'un macaque. Je veux dire, enfin, vous voyez, non ? Blanc comme la neige qui bleuera sous le ciel doré d'azur, la l'azur, et quelle belle, regarde, quelle est-elle ? Qui, je veux dire, pardon, je recommence, qui est cette belle qui regarde ? Pendant que le ciel bleuera toujours avec le soleil qui soleilloie toujours, et car le bleu des yeux d'un incantatoire toujours débilitant ne pourra pas venir à bout de cette stupidité nomenclaturable. La bêtise humaine n'est pas de celle qui se traite avec légèreté mais bien avec lourdeur. On en a marre de la bêtise humaine, même on la prend, on la retourne et on la traite bien, parce que la bêtise humaine, c'est nous. I'm Alors, on va prendre les boys là. Alors, on va prendre les boys là. fessier, complètement un fessier, complètement un fessier. On pas trop un fessier. Non mais moi j'étais parti pour faire le tour. Non mais ça va pas être non mais au fait je suis j'ai ma caméra, j'ai cherché ma caméra, je comprends. Mais c'est personnel pour ça. C'est pour moi. Va chercher ta caméra. C'est pour moi. Ouais. Non mais est-ce que voilà. Je vous pousse une feuille, hop, ça fait plus de moi, pardon. J'ai dormi le tableau là, devant moi, je vois. Ha ha ha! Thank you. Thank you. essayer de me brancher un peu All the greenery of the world won't suffice to roll over, and so be it. I don't want to hear about it. Damn rat buckets. Les rats sentent quand le navire va couler, c'est ainsi dit. Ainsi je le fais. Et bientôt, espérons le coulage du navire. Coloration. Laissez et ce sera la merde. Les attitudes désobligeantes. Affaires de foultitude d'évanouissante vie. Pas. Oui, je le dis. Quoique les amis de thé arrivent, les premiers. Quel étonnement je fais. Oui, quoique les queues de lapin, prime abord, l'âge fait partie des solutions. Et les brûles de Noël incidentelles. Ne plus tardive, pas d'état-major, les moins hivernales, comme vieux dans la terre, disent véniellement, vénal. Une bonne guerre, c'est ce qu'il faudrait. Ainsi, ce sont les choses, voilà, blablabla, ou pas, mort par qu'importe les choses, conspirer les tables, qu'elles importent les tendances, et creuser le sillon partagé sur le trou du golf, les obscurs des rideaux ne suffisent plus à s'en tenir la fonte du lèvre sacré à la limite. Toute la verdure, on the verge of going toute la verdure renversée du monde ne suffit plus à stationner. That's where it is. Alors parlons-en. Hallucination, fabulatoire incident, et oublié, hypersensible ratucination. There's a way out of where. Oublié les horribles conversations de canards. So I can, et ainsi, il semblerait que l'espoir est d'une pause, faisabilité, pause, indiscutable, très longue pause, c'est là que, c'est. Que certains nommeraient blanc. Les obtus démentiels, quand se passe, enfin quand t'as passé, passons, clair ou obscur, le sens ne sera transfiguré par l'horizon. Alors n'en parlons en pas. Direction voilà. De turban sur le langage. Ça semble, not quite oui. So well, le travail, but hell, who cares ainsi about obtenu, it. Et continue. Tout le verre, la verdure du monde entier, nous suffira pour combler la dette que nous avons vis-à-vis de la terre, la planète de notre naissance est mort, merde. Alors que les uns renversent les autres, les unes crachent, pour ne mettre le plaisir qu'à l'épreuve des balles, plaisir de merde, tant pis pour lui, pensée est comme connerie susdite, psychiquement, impossible d'être atteint. Le désordre règne, à la va-vite. Le test n'a plus de valeur, mémoire de souffrance, douleur aiguë, ainsi se finit, par là, fin. C'est l'entendement. Oui, quand j'ai fini de finir, achevé, je m'endors sur le corps. Pisse à chier, pisser sur la sciure, pissage passage.

fond de la mer, les poissons sont assis, les poissons sont assis. Ah, ah. Attendons patiemment, vous déchargez. Ah, attendez. Le fond de la mer, les poissons sont assis, les poissons sont assis. Ah, ah, ah. Attendons patiemment que les pêcheurs sont partis, que les pêcheurs sont partis. Ah, ah, ah. Ohé, du bateau, du bateau, du bateau, du bateau, du bateau. Thank you. masque. Allô, c'est pas une bonne technicienne, vu que normalement faudrait qu'on entende. Non, y'a. Je suis pas lesbienne. Tu dis ça comme Vanessa. Oh, on entend toujours rien dans notre fucking casque. Ça. Moi non plus, je suis pas les. Fucking shit, yo. Faut pas montrer du doigt. On avait pas dit pas. Si, si. On avait pas dit pas. Je veux dire, on avait dit. Baisse le fond sonore. Ça fait trop mon quoi. Un peu moins fort. Ouais, ouais, y'a trop de fond sonore. On s'était fixé un objectif zéro. À zéro. Objectif zéro, on devrait. Mais s'il y a plus de mots, il reste que l'eau. Ça fait toujours trop fort. L'eau c'est cool, mais quand même. Objectif zéro, pas d'âme. C'était 10-0. Bass. Ça c'est Raven. Il y a un problème, vous voulez un accompagnement sonore ou oui, vous voulez vous faire chier à parler dans des micros qui ont rien à foutre de vos gueules. Mon frère, tu prends ça mal. Tentative acoustique, je te dis juste prends ça tranquille. Laisse-nous encore une chance. Laisse-nous une chance. Est-ce qu'on se laisse une chance, les gars? Non, pas Clément, par contre. Vas-y. 2, 3. Ouais. Ça tient pas longtemps. Vive la modernité. Ah, quelle horreur. Cet accompagnement, Noël. C'est bon ça, c'est bon. Communique. Coco. Ah, de son, je n'ai pas que toi peux faire. Oui. C'est plus clair. À l'endroit comme à l'envers, sur les côtés comme par derrière, c'est clair. C'est de toucher une grande mère. Arriba. C'est beau la vue. Pour les gens. Et le petit aussi. J'ai pas bien compris ce que tu voulais me signifier, madame. Parce qu'il est beau, Harry. Il est beau, Harry. Bon, vas-y, Harry. Il est beau. Rara. You know, I'm talking to you. Beau. Nous, on accompagne ma soeur. Beau. Rachel, j'ai rien compris ce que tu disais. Attends. Attention, elle pète les plombs. Attention, elle pète les plombs. La réglisse. Yeah. Cause I come from the same motherfucking neighborhood. And I don't give no motherfucking fuck about what you say. My name is Louis. I come from the same motherfucking neighborhood. In my city, motherfucker, I ain't nothing to lose. In the same city, I'm too. Eh, mais vous êtes en train de. Chocolat, encore 5 secondes, je me casse. Sauve-nous, s'il te plaît. Comme s'il y avait un sauveur. Allez, en tout cas, il y a des perdants. Il y a une personne. Et toi et moi. Et toi. Hey, t'as dû évoluer en anglais. Tu dois trouver une botte en anglais là maintenant, genre. Happy cash, to the bank. Cash to the bank. RF. RF, République Française Autonome. À voir. Ah. C'est quoi? Apparemment. Apparemment. Ok. Таракан. Таракан не ест. Ест, конечно. Таракан ест. Ест. Мокрица есть тоже. Да, пожалуйста, мокрица с тараканом. Бесплатно. Чего? Ну что ты хочешь, шмарафить не будешь? Это моя. Пожалуйста. Да что? Ну это... Да что, ну... Герман у меня. Герман, будешь что? Герман, хочешь? Нет? Да, да, конечно, я пухну. Нет, хорошо? Водка с умалом. Водка найду. C'est trop la guerre. Chalet. Now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, check it out. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les sur pied de regard froid. Ils scrutaient la salle, le trois quarts en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'ils passaient, caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Давай, Карина, играй сенза. Да, да. Она с ума сошла. Elle était habbat, encore pire qu'une blatte. C'est pas de vraie latte. C'est pas de vraie latte. On fait la batte, la bataille de la. Bon, franchement, c'est n'importe quoi ce fond sonore, non? Mais c'est comme toujours. Mais non, pas comme toujours, des fois il y a des trucs absolument géniaux. Il faut devenir n'importe qui pour faire n'importe quoi. Non, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Voilà. Mais c'est où le début et c'est où la fin? On ne sait pas. Mais il faut commencer, sinon on va nulle part. Yes. Voilà. Je suis pas bien. Ah si, je devais partir en ce moment. Je suis parti. Ça va, ça va. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, Batucada, batucada, batucada, batucada, c'est la bite. On a plus beaucoup. C'est la bite. C'est la bite. Le problème, c'est que elle connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la bite? Elle pense que la bite, c'est le bon. Mais c'est pas vrai. Ah non. Il faut l'expliquer. Qu'est-ce que c'est la bite? Qu'est-ce que c'est? C'est la claque. La statistique dit que dans notre planète, il y a 50% de bites et 50% de figues. Mais il comprend pas. Qu'est-ce que c'est la bite? Mais qu'est-ce que c'est? C'est la bite. Mais qu'est-ce que c'est? Du moine, la bite du moine. Papa passe le cendrier. Ce cendrier, ce n'est pas pour oublier. Today's a bit dead. Et surtout, on n'oublie pas qu'il faut faire n'importe quoi pour devenir n'importe quoi. Tarakan. Makrisa. Tarakan. Makritsa. Mishka. Makritsa. Кошка. Человек и кошка. Человек и кошка. Макрица. Макрица. Génial cette chaîne. Un chien que je connais. Oh, peut-être c'est un chien. Peut-être, je sais pas. J'ai pas su. Fait que la force sonore. Que la force soit avec nous. When we are speaking, we don't listening our voice in the radio. In the radio. We speaking in the microphone, but we didn't listen what we are saying in the. On n'entend pas grand chose. We are thinking, it's always the same song in the radio. Down below, sinking. Sinking. Bleu est la couleur du voilà ciel et des hématomes. Les hématomes sont bleus, le ciel est bleu. Ah voilà, elle veut chercher des problèmes. Ah, ici on cherchait, il y a des problèmes, non, toujours les pas. Les hématomes bon, sont pas de problème. Cherche désespérément des problèmes. Qui a des problèmes? Mais toujours yes, pas. In my jacket. Ça veut dire. I've got it. Ça c'est assez explicite. Yes, we can hear you in the radio, but we cannot hear our own voice. Ça veut dire on se casse, on se casse. Ça veut dire ça, non, c'est pas ça. Ça va l'air explicite, non? On se casse, on se brise. Ouais, on se dissèque. On s'arrache, on se dilapide. On dégage, on dégarpille. On s'éparpille. On s'éparpille. Aïe, quoi! Éclate un millier de fragments. Ça sauce. Dans un ciel bleu qui brille. Comme les hématomes qui nous brillent. C'est pourri. Mais on n'a rien appris. C'était quoi le son? Briller dans la maison. Je vais voir parce que je crois que c'est un truc cool. Et qu'est-ce que va faire Georges? point is, so it's right, motherfucking now. T'entends là? T'entends bien? Ouais, t'entends bien. Mais attends, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a rien oublié, mais on va se dépouiller. Oh oui, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Comme la pluie sous la pluie, on n'entend plus l'eau qui tombe. Why don't you sing the silence? Step by step, breath by breath, a little deeper, a bit closer. Step by step, and breath by breath. Take a brush and put a little makeup. You want it? Final point, no return, no coming back. There is no lack of consciousness, but there is a lack of unity, impurity, and prudenity. This is all ridiculous, but so we say, but may we be all together, or may we not. It's a fraud. In the society of hypocrisy, we no longer know what true or false it is. Just listen to those sounds. What will it tell you? And here is he. His name is Louis. And Louis is almost like him. Oui. C'est quoi la différence? On est Louis. On a une atmosphère particulière ici. Ah, La convergence. Отче наш, єжеси на небеси, да Господу Богу помолимся. Амінь. Radio announcers apparently has no sense. No beginning and no end. Not a foe and not a friend. Not a lie and it's not true. It's only me and only you. C'est la bulle. Waste, just a waste of our time. Time is now. And time is then. And time is when? There's no time. La finale. There's no time. La finale. All this time trying to find a rhyme but not finding one. Don't try. Well, I forgot where I began. Don't try to remember. Don't remember. But remember. Memento mori. Memento. Don't remember. Évidemment. It's a member of our goosebumps all over your skin. You don't know for how long it's been so. But it's time for you to go. And it's time for the new people to come. So maybe we're gonna be one. Or maybe each one single of us. There will be no silence. And thus, we will rise up. Silence. No, no, no. In the whole world, there is no silence, silence. There is no silence. In the silence, there is no sense. In the silence, there is no sense. In the silence, there is no sense. In a word. Acabando jugar con las palabras que vamos a hacer después y pues nos vamos y pues quedamos aquí o no, dime lo que piensas. Impresionando pero no, es solo ruido, ruido de estas vibraciones que no tiene ningún senso. Pero no, nos quedamos igual. Are we synchronized? Porfa, hazme la melodía de tu corazón, aunque no tiene ninguna razón. Vamos adelante, vamos amigo, a ver qué pasa contigo, conmigo. Todos juntitos, aquí estamos, nos disfrutamos, sí, disfrutamos. Me da igual qué pasa, pero chico, mira, hay toda gente y tanta energía. L'énergie, l'énergie, l'énergie, mais où? Est-ce que l'énergie, l'énergie, l'énergie se cache? En la cabeza, en tu cuerpo, por todas las partes. Aunque nos juntamos, nos disfrutamos. Sí. Mañana vayamos, ¿eh? Mañana vayamos, pero hoy nos quedamos. Vamos, sí, sí, vamos. Shining bright, them shining bright. Trust me, my friend, it's all okay. Things gonna be, it just will be right. Jazz, ici c'est classe. Alors, Glaza, Smatri Nanas. Ici c'est le monde, et là-bas c'est le monde aussi. Ici il est parti, il est ramené le don ici. Ici c'est la galère, et là-bas c'est la colère. People just having fun. And just drinking some red wine. And not getting older. The long story. Long story. What can I say? Just say what you can. I need some music in my ears. I need some music. I need some sound. Just make it turn. Make it turn round. She needs some music. She needs some sound. So make it turn. Make it go round. Round and round and round and round and round and round and round and round in circles. In circles. Closed circles like crop circles closed. And the whole damn time nobody is seeing that there's nothing inside, nothing inside. And so we go on, we go on in circles around and around and around and around. Say this. This is not possible. This is anguish. This is painful. This is hate. La cave de Paisy, ce soir, avec toi et moi. On y va ? Non, on y va ou on y reste ? On y reste ou on y va ? Il y a des restes. Donc on y va. Et on va faire de la récup. La récup. La récup. Ah oui, c'est ce soir. La récup, où ça, où ça ? Bah c'est partout. Et c'est nulle part. Alors ? Bon. Est-ce qu'on est ensemble ? Ou est-ce qu'on est à part ? Peut-être en aparté. Ou peut-être pas. Who knows really ? Gravé à l'endos de ce relevé bancaire, je jette à terre le contenu de ce sac à dos précaire. Je me sens telle l'après-guerre où je croyais que c'était la dernière, mais parce que j'ai pas compté, j'ai souffert, et compte tenu de l'atmosphère et du soufre présent dans l'air. Je sens qu'il y a dans l'eau, je sens qu'il y a de l'eau dans le gaz, comme une bouteille part à la mer. Ainsi, la perpétuelle vague balance la vacuité de verre. Ainsi mon message s'élance et se perd dans la vanité. Rien ne sert. Pourtant, chers amis, il y avait de l'espoir lors des temps où, poussé sur une balançoire, je me laissais choir dans la sagesse de l'éternité. Seulement, me voilà dérisoire d'être désenchanté de cette félicité. À présent, je broie du marc et tapisse mes fonds de tiroirs au pétrole, comme la marée noire tache le sol, que seul un soleil sans fin peut faire fondre, tel un solvant dessinant des auréoles. Va, va, va, va. Divague, le vague à l'âme, navigue dans cette vase abyssale, car peu importe la clarté de la lumière, je suis une vanne nu-pied aux abyssales qui vagabonde dans un sombre labyrinthe d'eau sale, l'épine dorsale du mal. Relevé bancaire, deuxième acte. Toujours dans le négatif, sous le niveau de la mer. Coincé dans une cavité marine où il ne reste plus beaucoup d'oxygène, je me sens comme le commandant Cousteau, mais sans le palmarès. J'ai du mal à respirer. Dans cette mélasse étouffante, c'est injuste tout de même que cette bouteille, ayant besoin de rien, flotte dans les eaux vives en empruntant n'importe quel chemin, caressé par l'écume et n'ayant peur des requins. Tandis que moi, dans cette caverne où l'ombre domine, je suis en proie aux questions et la solitude me lamine. Je vais m'époumoner, oui, c'est ça, m'époumoner, jusqu'à épuiser la quantité de molécules vitales dont ma foutue machine a besoin pour rester éveillée. Je mourrai asphyxiée, avec un peu de chance, car même si je vois la sortie, je préfère l'ignorance, car je ne sais pas nager. Pourtant, je suis un bébé nageur, mais l'angoisse m'inonde et la torpeur me noie dans ses profondeurs. Mais c'est étrange, c'est étrange. Plus la situation s'aggrave et plus mes rêves sont beaux. Stupeur, frayeur, j'ai froid, le soleil me manque et je ne dors presque pas. En contemplation devant les nuances de l'obscurité, je m'imagine écureuil, pieds et mains liés au cerf joint. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, qui pendant un temps mort, bleuwa, sewa, zaï, merci. Donc maintenant en estonien. Ça va pas être possible. Ah, mince. Ok, let's speak English then. Let's speak Estonian then. Ok, do. And then go. Räägin siis eesti keeles ja täna on väga huvitav päev. Täna oli väga ilus päike ja päike paistas taevas. Ja eesti keel on väga ilus meeldikeel, mulle meeld. Jusqu'à moudre du vin. Et maman qui toujours bleu le ciel, un temps soit peu. Toujours danger, car attention au carrefour des entropies. Et ma utland, ma arma stanzin. Sin malipatan mou. Sans mal, car c'est malipatan que au bout du chemin. Kui sa tahad öelda midagi veel, siis sa oled... Sauf des nœuds. Jah, praegu öelda. Ouais, plein de nœuds. Et pourtant... Siis öel midagi. Ce n'est pas possible. Donc, kuidas sulle meeldib seda... Pourquoi pas ne pas demander? Paf. Ce que signifie? Paf. Ütle mulle. Paf. Ütle mulle, palun, noh, ma tahan teada, või. Kuidas see päev oli? Ütle mulle. Ütle mulle või ütle mulle? Ütle mulle. Moules frites accompagnées de gratin dauphinois et salade de verdure sur lit de noix en estonien. Moules. To me. Moules. T'as pas honte? Ouais. Ütle mulle praegu palun. T'as pas honte de te faire flasher dans un pouce-pouce au Bangladesh? Moi, je te dis pour ton karma, man, c'est la dèche. Pendant que tu torches le derge dans la soie, il y en a qui meurent de soif sous leur chèche. Oh la mixe. Au Bangladesh, ils ont des slips aussi. Do they have underwear in Bangladesh? Sleep, it means, dormir. Of the men. The short of the men. Underwear. What you wear is under. Under the wear you wear the underwear. The wear? The where? Nowhere. Nobody knows. Nobody knows what wears under the way. The underway. Underwater. Underwater we are. Damn it. We're erasing something. We're destroying each other. Under the water? We're dying together. Under the water. On the surface of a cloud, people seem to be found. Somehow. In the sound of my eyes. Freedom does not exist inside or wherever. Anywhere is something not meaning everything all the time. Do you see what I mean? Not all the time, all the meanings mean the same. But meaning means something, doesn't it? Because meaning shames. Meaning shapes. And shapes mean. Because shaming is mean to me. Meaning is. Shapeless meaning. And shamefulness is not the underway. But underwear. Where the world is, telephone fucks. Telephone sucks. Allô? Allô? Anybody there? Allô? Allô? Is anybody really there? To take my call? You really there? Are you? Is it me? Allô? Allô? Allô? Anybody there? Is it allô? True? Is it fake? Is it me? Does my voice you? Sound like is this? It us? That's is it like a mystery of the fake? Is it us? Should be. Sound it should like be. I'm stubborn as you fuck. You should know. I'm stubborn as fuck. You should know. It should be us. Reassure yourself in plenty of things. Shut up. You said I should sound. I took. or I take, or I should take some time to reassure things that snail and you touching it, the snail with the house on the top, you touch it and it shrivels, it makes like shrivel. It's a nice word, shrivel. You make your mouth be this way and you say shrivel. Joke. I want an empty glass. I love empty glasses. Empty glasses are the best. Empty is a new fool. Didn't you know that? Empty is a new fool, man. Fully empty. Yeah, fully empty, empty. Cat ate the snail. Yeah. Sûr qu'on est gelé déjà, parce qu'on est con. Parce que moi, d'abord. Bah c'est clair. Ouais c'est clair, moi d'abord ça nous rend con. Je crois que c'est clair. Ça nous rend con moi d'abord je trouve. Je crois que c'est clair non. On devrait dire toi d'abord. C'est pour être poli quoi, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est morbidifère tout ça. Pas du tout, c'est ça. C'est comme du cuivre platine. Et faut que j'y aille. Johnny be good. Johnny be good. Oh please be good. Camille. J'étais à ça de Camille. À ça de le dire. T'aurais pas une clavette. Plus rien n'a de sens. Merci. Pas même. Pas même, pas même. Pas même les bonnettes, les mêmes, les bonnettes. Les phonèmes, les. Les X-nèmes. Les palmèmes. Petite faille, petite faille, petite faille. Petite faille. Plus rien n'a de sens. Canal Sud. Canal Sud, c'est une radio libre. Une radio libre, c'est une radio associative qui cotise pour faire des émissions. Et genre, en fait, on est subventionné et c'est la galère pour faire les papiers et tout ça, pour retrouver du fric, pour pouvoir faire des sessions radiophoniques. Merci. Texte une toubab qui va toute pâle. Tout, non, l'olé et antes. Métis. Non, mais qui c'est. Quoi? C'est le contraire de después. Before. What's before? Do you know what you're. What, where you mean I'm cow? It means before cow. By destruction. By cow. By everything. Who is apocalypse? Every little cell composing every little thing. Even the smallest. Being projected away from each other, you know, it's like decomposition, but cellular decomposition, you know. Oh, did you get that? Did you read it or not? What? Yeah. You did? Did you? I did a long time before the old time. I read it. You read it? Yeah. Do you want to do it again? No. No? We can read it together. Yeah. Plus rien n'a de sens. Pas même les heures. Elles passent comme des perles de jour. Le temps. Le temps n'a vraiment aucune valeur. Je le comprends tout juste. Si peu de choses en ont vraiment. Elles n'ont pas de nom. Je ne sais même plus voir à force de renier le sommeil. Pour trop vivre. Mes mains tachées ont trop voulu attraper ce vide. Pensant qu'avec des mots, on pourrait le tenir en vol. Janky, des lubies. Finalement. Janky, des lubies. La couleur de la cendre. Mes yeux. Les fentes. Luisant et ses paupières. Les fentes. Fille, entends-tu raison de la beauté? Sublimé par leur fonction, myope, myome, mi. Vital. Lycanthrope. Prétention du poète à la muse absente. Cynique, désabusé tellement les limites sont devenues l'ombre d'un cadavre. Charogne, charogne qui s'entête, pourtant, même sans tête, parvient à respirer. Sans l'été. Instinct de survie. Amoureux de son cancer. Crever lentement et surtout. Vivre soyez. Pour mieux vibrer. Chaque. Chaque seconde. Comme une aiguille. Vaccin tremble au seconde bout d'un mât. Tremble la route. Une unique grande fronte. Frontière qui se rapproche. Fronté. Tremblant. À quand? Encore. À quand le goût de l'indifférence nue? Chatard, à cause de la différence nue. Ivresse. Ivresse biologique. Ivresse dégoulinante, rompant les chaînes qu'il ne faut pas. Bis. Vous êtes démon, pour se rassurer, mais plutôt reflet. Insupportable. Le nanal. Reflet. Sud-sud. De l'étrange. Jusqu'à l'insupportable. La vérité. Par tous les ports. T'as du PQ? Peau morte, fantasmée. Non, j'en ai plus. Car l'homme... Comment faire pour écrire mon CV sans PQ? Avec de l'encre. Couleur. Platine. Car l'homme ne met pas. Avec une balle. Je vais écrire mon CV avec une balle. Lait. Plein les murs, mon CV même. Les murs, rien. Une énorme Aztec. Carabine. Aux pattes. En plomb. Tibulaire. Le plomb. Les cicatrices. Sans de rien. Témoigne. Lourd. Le plomb. Sans de rien. Trébuché. Et pourtant. Les cicatrices. Témoigne. Dans une cicatrice. Franc. Cette imperfection. La panetière demeure. Et chaque la seconde. Canopée, la canopée, les comme un grain de sable. Stabilité de branche. Un pas qui précède. Toujours plus près. C'est net. Effeuillé. Un net. Pas toujours plus près de la mort. L'abysse précède. Mille jumeaux sur les sentiers. Sur les sentiers. Toute direction. Down. Toute direction. Dans le panneau. C'est oui. Qui dit défilé. Tu dis mode de pensée psychoactive réussite à cette pourquoi qu'on le veuille ou non, qu'on peine à l'accepter, on avance. On a élancé. Poumon en plein, quoi qu'on fasse, même immobile. Et heureusement, le monde. Le monde est le jouet de la quatrième dimension. Et nous, rien de moins que des excroissances indignes et fils de l'instant liquide insignifiant devant le vaisseau terrestre. Un fragment de son histoire. Oh, tiens. Qu'on ne s'approprie que dans la tête. Fils de l'instant liquide insignifiant devant le vaisseau terrestre. Un fragment de son histoire qu'on ne s'approprie que dans la tête. Et qu'on imprime pour avoir bonne conscience. Sur les murs, dans les livres. Tatoué à force de moisissure. Le silence est comme le prisme, ce qu'est le blanc pour la couleur. Tant de mélodies qui résonnent entre les oreilles du lecteur, de partitions pureté de l'espoir. Quand on est encore libre, et quand choisir est au futur. Ouais. J'aurais préféré quelle aventure. Ce soupir. Quelle ingratitude. Toute la poésie. C'est horrible ce bruit. Le silence est comme le prisme. Ce qu'est le blanc. Qui c'est qui a un casque, alors, un casque pour la couleur. Qui c'est qui a un casque vers le micro là. C'est technique là, il faut pas passer les casques vers le micro. Correct, exigé. Non mais c'est technique, excusez-moi, là je peux pas travailler dans ces conditions là. À force qu'on recommence tout à zéro, donc on recommence tout à zéro maintenant. Bon, alors c'est Canal Sud, 92.2 FM, canalsud.net, c'est Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission qui nuit au bon sens. Voilà. Ah mais c'est n'importe quoi. Le silence. Je peux ouais, pas régler un volume si on commence à rigoler. C'est toi qui dis ce n'importe quoi. C'est pas moi qui dis ça. Coulo. C'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Je préfère. Quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un de petit et de mesquin en moi. Qui n'existe pas en fait. Le malin. C'était le malin. Ouais, c'était le Hobbit Joufflu nous l'a volé. Le Hobbit Joufflu. Joufflu comme. Comme. Joufflu comme jamais. Joufflu comme jamais, quoi. Le silence. On peut le dire. Et c'est plutôt inquiétant. Tant de mélodies qui résonnent entre les oreilles du lecteur de partition. Attention, le casque. Attention. Le casque. Tirez-moi ce casque. Quand on est encore libre et quand choisir est au futur. Quand on choisit, c'est encore le casque. Tu veux que je te montre? Je vais préférer ce périlleux soupir à toute la poésie du monde. On n'a pas de fond non plus. À force de le porter comme un masque, je suis devenue cynique. Attention. Non plus. Voilà. Tout à fait faux ce que tu dis. Tu n'es pas cynique, tu es sarcastique, je trouve. Alors on pourra en débattre. Ça ne m'amuse presque plus. Ouais, mais ça c'est normal. Vu le temps que tu prends. Alors que reste-t-il ? Bah rien, je sais pas. Tu veux décrire ta journée. De la poudre aux yeux. Tu veux décrire ta journée ? Qu'est-ce qui va pas ? Ça va pas ? N'a pas fini de rougir. La fine peau. La peau fine. Je ne peaufinerai pas, je peaufine. Mon ventre. Je peaufine. Où je galère. Bon ben. On va se coucher maintenant, ou je sais pas. Ouais, on s'en fout. Bah, je sais pas, tu vois. C'est tiède. Ouais, c'est la sieste, quoi. C'est triste à mourir. Ouais, c'est triste à mourir. Tiens, on va écouter ça. On va écouter un morceau de musique, ça te dit ? Ouais. Cool. Thank you. Nada. Nada seems not only to be everything, but anything you want it to be. Absolute loneliness is there, is no doubt. The others, not that they do, but well, almost as much as myself. Oui, autant que moi-même, l'effort des autres est nullifié. Compréhension de l'ultime, le nul et le précieux. Le magnifique, le mirobolant, l'émerveillement, translucidement, enfantinement, etc.ment. Oui, car l'azur est non bleuté ce soir. Alors que les ainsi n'énergisent pas. Les hostilités disparaissent. Passager du vent, sans peur. Le vent n'a aucune peur. Non. La voix est pas marrante, non. Ça c'est sûr. Va chier, merde. Piss off. It's not for you, it's for pure heat. It's for pure heat. It's for the ones, the twos, the threes, turn. There's no instant, nor instant, ni instant. L'unité semblance de l'instant du changement lumineux, but there's a way out of when. Yes, there is. Il y a tant que les antres ne se façonnent pas. Quand vas-tu enfin mourir que je puisse accéder? Y a quoi? Pardon? Des gens qui viennent d'autres continents pour venir à ton... Ah, carrément, carrément, d'autres mondes même. C'est totalement quoi. Thank you. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. L'émission qui émet donc actuellement sur l'antenne de Canal Sud, eh bien c'est Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de tout le non-sens, contre le bon sens, et tout et tout. Eh bien Nuisance, ce soir, c'est fini, car nous sommes aujourd'hui, oui, je vous le rappelle, le 6 octobre 2017, et il est actuellement 1h moins 10 minutes. It's 12:50 tonight, on the 6th of October 2017, and Nuisances is over.